artiste qui va nous remettre sur le piton? Hey, je sais pas, t'as-tu quelque chose à me proposer? Oui, je suggérerais d'écouter les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Oh. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 avril 2013. Bienvenue à une autre semaine d'assemblage requis. Que voulez-vous? Il y en a de même, une après l'autre. Hein? C'est 52 par année. Papa, Sammy Dreuil. OK. C'est une grenade. C'est pas beau, ça? Moi, je trouve ça comme ça. Et là, je suis en train de faire un signe d'impeccable. Impeccable ou encore impeccable. Bravo, pizzeria. Oui. Mon drain de douche qui est... Il est large de même. Au retour, on parle de musique avec Simon Fitbé. Yeah! Son adresse qui... Quelqu'un qui liche un CD. Ah! Oh, hey, il faut que je te compte de quoi après. Cool! Restez là! La drogue en moi. Rock Forest. Ça, c'est quand tu passes la frontière. Ouais. La drogue en moi. Dans le... Hein? Ah! Dans le... Oh oui! Ah! Oh, come on, dès le matin! Là. Ça fait peur, bon, on a un zombie en studio. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ouais, ça a l'air dur à vivre, tout ça, hein, c'est... Bonne réponse. Très bonne réponse. Moi, j'accepte cette réponse. Je pense qu'il y a raccroché. Éric Paul Parent, bonjour à toi. Rebonjour. En fait, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Oui, c'est un plaisir d'être de retour à C'est fou. Génial, génial. Éric Paul Parent, ou donc l'enfant, comme on avait dit l'autre fois. Oui. Tu t'en rappelles, c'est de la glace de ce jour. Tout à fait. Je l'avais encore d'ailleurs. Oui, j'imagine. Merci, Éric Paul Parent. C'est un plaisir. Et la petite famille, incluse dans son nom. Je veux voir qu'il fait avec ses enfants. C'est-tu le parent ou c'est pas le parent? C'est un guide, c'est-tu un tuteur? On sait pas. Venus at your back door. Mais il me semble qu'à l'habitude, la porte d'en arrière, c'est plus Uranus que Venus. Uranus. En Louisiane, c'est la culture, la musique Cajun. Pardon. Cajun. Voilà, Cajun. Oui, c'est une sorte de peanut. Oui, c'est une sorte de peanut. Oui. Festival de la pinot de Cajun à Louisiane. C'est ça, ouais. C'est connu. Oh, excusez, ça m'a fait décrocher. C'est la cour d'appel qui avait déclaré qu'un gars de Miché n'était pas une arme. Ah, ah. Et la cour suprême a renversé la cour d'appel. Ah, et a introduit la notion. Oh, oh. Le gars de Miché dans la notion d'arme. Tu vois, des fois... C'est les batteries qui sont... Choisis ton arme. Notre fleur d'atomique sans ça se s'incruste. OK, Steph est prête, donc on commence à... Non, c'est pas vrai. C'est une blague! Elle m'a dit, arrête la tour, je suis prête. Elle pensait que t'étais pas game. Disque dur, m'oublies-tu? C'est intéressant, des fois, d'avoir un peu l'argumentation contraire. C'est un petit... Ça brasse le clam chowder. Ouais. Ça brasse la... La palourde. La palourde. Ça te brasse la palourde. 8h18, AM. Deux petits points qui clignotent dans le milieu. AM. AM du matin. Amouri. Ave Maria. C'est pour ça le AM. Ouais. Ave Maria. Non? J'ai des doutes. Bon, j'ai des doutes. Ce qu'on appelle en anglais blue balls. Ça, c'est quand t'as mal au testicule parce que t'es pas assez vidé. Hein? Bon, est-ce qu'on comprend quand je dis mal? Ben non, mais c'est le terme, blue balls. Ah, t'as les blues. J'ai le blues de la poche. 67% des hommes préfèrent que les femmes se rasent en la frontière américaine ou mexicaine. Ben, mexicaine. Ça dépend des... Caliente. Mais là, ça dépend. T'as comme deux zones distinctes, là, passé le Mexique. Là. Oui, oui, oui. En avant et au milieu de l'équateur. On mêle les analogies. Anal! Analogie. Non, mais on va le laisser faire, ça me tente pas pantoute de faire un dessin là-dessus. De le montrer, non. Moi, j'aimerais savoir un rapport sur mon bureau. Oh! Pour demain. Rapport trimestriel. Non, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Trimestriel. Yeah! Marie-Pierre, la Forge-Bourrée arrive en jaune flash avec des ancres de bateau dessus. Oui, c'est l'été aujourd'hui. C'est pas jaune flash, c'est jaune moutarde. C'est vrai que c'est comme c'est un jaune de manger un hot dog. Ah oui, hein? Moi, je te prendrais un petit gâteau aujourd'hui. Oh! T'es remangé des hot dogs. Ah, je pensais que j'allais me gâter sur toi. Tantôt, c'était mange-moi la hot dog, puis là, c'est comment, les filles, là? Voyons. Hey, c'est toi qui parles de mangeage de hot dog. Squeeze-moi la bouteille, puis voyons. Ben oui. East Timor, qui veut dire Est-Est. Est. Timor! Un peu comme. Oui, Timor. Un peu comme le fond avait l'air de dire, tu trouves pas? S. Hein? Aïe, aïe, la toune est tellement appropriée. Aïe, aïe, aïe. Petit mort, là, moi, j'avais vraiment pas entendu ça depuis la fameuse annonce du chasse moustique, là. Je pense. C'est un petit mort. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Si t'apprends pas de tes erreurs, hein. Et si t'apprends pas de tes erreurs, exactement, tu viens de, encore là, Mathieu a le tour de résumer de façon. Je suis un gars concis, on m'appelle Cyr Concis. C'est qui? Aujourd'hui, avec le montage vidéo, sonore, audio, n'importe quoi, on peut faire tout, fabriquer une phrase avec. Regarde les instants classiques d'Assemblage Requis, je coupe des bouts là-dedans, ça paraît pas pour toi. Ben non. François Mandry. Ouais, ouais. Portant une moustache de mousquetaire et effectuant un semblant de défeuillage. Donc, le terme français pour striptease, hein. Ouais, ouais. Il est propre. Décapotable, les cheveux au vent, le petit foulard de bourgeois dans le cou. Ouais, ouais. Puis s'arracher le poil pour Pauline Marois. Ouais, ouais. C'était un petit peu trafiqué le dernier extrait. Peut-être que j'ai. Peut-être. Quoi, ça, François Landry, il faisait pas vraiment un petit effeuillage. Pour Pauline Marois? Ah, ben j'étais un peu déçu. Ben, j'y croyais dur comme fer. Ah, c'était juste pour François Landry qu'on a fait ça. Ah, étant donné qu'on peut. J'espère qu'il l'a entendu. J'espère, sinon on va y envoyer le lien. On va y envoyer ça. Hey, pas montage. Alors, c'était les instants classiques d'Assemblage Requis pour la semaine du 15 avril 2013. On est en ondes du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Il nous reste encore deux semaines. On termine le 2 mai. Ah! Oh. Deux semaines, 2 mai, disait Fast Lartonin, ça. Deux doigts. Peace, love, rock'n'roll. Oh yeah! Lundi au jeudi, 7h à 9h, Jean-Philippe Charbonneau, moi-même Mathieu Plante, une ribambelle de chroniqueurs dont Stéphanie. Oh! On est si con! Si! Circoncis! Circon! Circon! Hey, la chanson de Super Timor, là, c'est excellent ça. Ah, c'est bon, là! Puis j'avais encore la vidéo dans mon ordinateur. Ça, moi, j'ai découvert ça en secondaire 5 et j'ai ressorti la magnifique vidéo tout à l'heure. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Il danse bien, le dude. Oh que oui, puis ça se tape ses bras, ça se tape ses fesses. De façon synchronisée, telle la nage. La tape synchronisée, je pense. Ah, il y a eu plein de jeux de mots de sexe cette semaine, ça avait pas d'allure, hein? C'était assez intense. L'affaire de sud de la frontière, là. Mexicaine. C'est où? T'as osé, ça, là? Caliente. Caliente, por favor, hein? Donc voilà, écoutez-nous et allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion complètes de chaque émission. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont fans de l'instant classique, vous pouvez dorénavant télécharger toutes les capsules de l'instant classique sur assemblagerequis.com. Il y a un bouton avec des roches pareil comme dans le montage. Ça joue comme 25 fois, là. Arpaw, là, la roche. Oh, wow! Arpaw, hein? Fait que là, on peut les écouter toutes un à la suite de l'autre et virer un peu fou. Oui, puis si vous voulez, je peux même vous envoyer votre propre fichier de roches qui cassent si jamais vous avez envie de faire vos propres montages de votre vie tous les jours avec des roches en chaque. C'est génial. Wow! Wow! Je pourrais pas vivre sans cet effet sonore-là, je serais tellement dessus.